Je suis venu ici en exil, cherchant la porte d'exit. Je m'excite de moins en moins, il hésite de moins en moins. Ce récit altesse pleure le sang de mes textes. Je perds le sens de mes textes au fur et à mesure que la hure rentre dans mes mesures. Je mesure les ampleurs, on me trouve qui arrive vu que je porte en. C'est cette débilité qui tente à planter cette street crédibilité. Je suis strict avec cet entracte parmi les tracteurs. Je fais partie des détracteurs en moment de crise qui font que la sagesse se rétracte. Je me perds dans mes songes, je vois que l'âme des gens qui me traitent de sale singe. Mais mon art dérange, mes larmes gênent, mes larmes fortes amènent à la mort. M'amène, je ramène la bourgeoisie à la morgue. Je m'amène le BPM quand je manie BLS prod. Je reste productif, créatif, actif quand je débarque en intro. Je rôde sous les basses et pas dans un ticard. Car devant mon tas, tu ne restes qu'un tocard. Asie passe une slim et un toncard. Que je fasse un tour de passe-passe, que je te mette ta race, moi et ma race. Pour comprendre, faudrait vraiment qu'on te baisse ta race, fils de garce. Chanté par la maya Las Vegas. Soy un chico de esta hacienda. Sono un hombre para ti, señoritas. Talking beyond my back. Motherfuckers think they're gonna get away with that. Y'all can suck my dick. This is my haciendas. And ain't nothing change until I'm gone. Till then you can kiss my ass. Talking beyond my back. Motherfuckers think they're gonna get away with that. Y'all can suck my dick. This is my haciendas. And ain't nothing change until I'm gone. Till then you can kiss my ass. My head's spinning. I'm listening to the beat. Trying to feel it. Can't sit still on the seat. So many pricks on the shit list. Pulling a fist. I'd rather pull out a Glock and cock it. I'm rocking. My mind's racing. Now you've knocked it. Old Jersey has dangerous thoughts. I don't talk. Careful, you're my target now. And I don't like the way you're talking. I'm not a thug. I just hate people who take the piss. Running their mouth. Music's backing off your hater shit. So all you motherfuckers, buy my shit and dub it. Kill it, your response better be worth it, get it. I'ma make you grab my shit and suck my dick. Lick on Bellis's flipper and fingertips. This is my haciendas. And I'ma do what I need to do to defend us. Think fast, don't make the wrong move. Don't need hash or grass to smoke your ass. Now I'm on you picking your puyas. Talking beyond my back. Motherfuckers think they're gonna get away with that. Y'all can suck my dick. This is my haciendas. And ain't nothing change until I'm gone. Till then you can kiss my ass. Talking beyond my back. Motherfuckers think they're gonna get away with that. Y'all can suck my dick. This is my haciendas. And ain't nothing change until I'm gone. Till then you can kiss my ass. Kiss my ass. Kiss my ass. Kiss my ass.